assister au défilé militaire qui sera précédé par une revue des troupes par le ministre de la Défense et le général commandant les forces terrestres de la Fédération de Russie. C'est le micro Bec qui parle parce que tout à l'heure, nous allons commencer la traduction simultanée, l'interprétation simultanée en direct de la Place Rouge. Votre attention, s'il vous plaît, ici Moscou, en direct de la Place Rouge pour le défilé des célébrations du 78e anniversaire de la victoire qui met fin à la Grande Guerre patriotique 1941-1945. Garde à vous, salut au drapeau. Les militaires de la garde d'honneur portent sur la place rouge le drapeau de la Fédération de Russie et l'étendard de la victoire de la Grande Guerre patriotique. Il y a 78 ans, au printemps 1945, Berlin, la capitale de l'Allemagne nazie, tombait sous les coups de l'armée rouge. Au cours des combats pour la conquête du centre de la ville, les soldats de la 150e division de fusiliers d'Idritsa, Mikhail Yegorov et Meliton Kantaria, hissèrent sur le Reichstag le drapeau rouge devenu pour les siècles le signe de la victoire sur le nazisme vaincu. Aujourd'hui, l'honneur de porter le drapeau et l'étendard revient au meilleur des militaires du 154e régiment de commandement Preobrajensky, les sergents Anton Mikhailov et Dmitri Monastiryov. Les gardes drapeaux sont sous les ordres des lieutenants Gennady Zvonkov et Alexei Paskani. Aujourd'hui, sur les tribunes, avec les anciens combattants de la Grande Guerre patriotique qui libérèrent l'Ukraine des envahisseurs nazis, se trouvent leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants qui se battent avec dévouement contre les adeptes des nazis et remplissent leur mission de combat au cours de l'opération militaire spéciale. Ce sont les militaires de l'armée russe, des combattants des unités de volontaires, des sections d'assaut, les parents, les épouses, les enfants de soldats et officiers qui remplissent avec honneur leur devoir militaire. Nous commémorons cette année le 80e anniversaire de la bataille de Koursk, une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de combats acharnés, l'armée rouge a détruit 30 divisions allemandes et déjoua la dernière grande offensive des troupes nazies sur le front de l'Est. Les troupes soviétiques surent reprendre l'initiative des combats. La victoire dans la bataille de Koursk fut pour le monde entier un exemple de bravoure, d'héroïsme collectif et d'intrépidité du soldat soviétique. En 1943, en signe de reconnaissance des mérites au combat et de la contribution essentielle des soldats et des sous-officiers de l'armée rouge à la cause de la victoire sur le nazisme, fut instauré l'ordre de la gloire comme symbole de l'héritage des traditions du guerrier russe et de témérité des soldats. L'ordre de la gloire fut pour les soldats la récompense la plus vénérée et la plus respectée dans l'armée comme dans le peuple. Pendant la Grande Guerre patriotique, plus d'un million d'hommes furent décorés de l'ordre de la gloire. Parmi eux, 2656 le furent au titre de cavaliers, dont 4 femmes. Repos. Garde à vous. Les troupes prêtes à défiler sont passées en revue par le général d'armée Sergueï Choïgou, héros de Russie et ministre de la Défense de la Fédération de Russie, au son d'une marche militaire. Le général Choïgou se dirige vers le milieu de la place rouge pour entendre le compte-rendu de l'état du dispositif. Le ministre de la Défense est accueilli par le général d'armée Oleg Salyukov, commandant en chef des troupes terrestres. Войска Московского гарнизона для парада во знаменовании 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Салюков. Conformément au cérémonial des défilés militaires, le ministre de la Défense et le commandant en chef des troupes terrestres passent en revue les troupes rassemblées de la garnison de Moscou. Aujourd'hui, en 30 pelotons, les militaires seront au nombre de plus de 8000 à défiler, parmi eux 530 participants de l'opération militaire spéciale. Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et le commandant du défilé, le général Oleg Salyukov, se dirigent vers le détachement d'honneur des troupes terrestres pour saluer les auditeurs de l'Académie de l'Armée de Terre, des élèves de l'Université militaire, de l'Académie d'intendance et de matériel, de l'Académie d'artillerie Mikhailov et de l'Académie de défense anti-aérienne. товарищи! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Les troupes terrestres jouent un rôle essentiel dans la capacité de défense de la Russie. À toutes les étapes de l'existence de notre État, les militaires de l'armée de terre ont toujours été fidèles à leurs devoirs et à leurs serments. Leur héroïsme sans pareil, leur abnégation et leur vaillance ont apporté à la patrie d'innombrables victoires entrées dans la légende et l'histoire de la Russie. Aujourd'hui, les effectifs poursuivent les grandes traditions de leurs anciens et remplissent avec honneur les missions qui leur sont imparties au cours de l'opération militaire spéciale. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Le ministre de la Défense salue les détachements d'honneur des forces aérospatiales et de la marine. Les pilotes des forces aérospatiales, de l'aviation de l'armée de terre, les marins, les militaires de la défense antiaérienne et des troupes spatiales font preuve d'un niveau élevé de professionnalisme et assurent la défense des frontières maritimes et de l'espace aérien et extra-atmosphérique de la Fédération de Russie. Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Le ministre de la Défense salue un détachement d'honneur des troupes des liaisons ferroviaires, des unités de la police militaire, des troupes de défense NBC, nucléaire, bactériologique et chimique, et de la garde nationale et du ministère des situations d'urgence, ainsi que de la garde du Kremlin. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Le ministre de la Défense salue les détachements des troupes de missiles stratégiques, des troupes aéroportées et du FSB, Service fédéral de sécurité, de la Société des Cosaques de Russie, des femmes militaires et des plus jeunes participants au défilé, à savoir les jeunes élèves des écoles militaires Suvorov, Nakhimov et des cadets de la marine de l'école de Kronstadt. Le général Sergueï Choïgou a terminé de passer les troupes en revue et se dirige vers la tribune centrale pour rendre compte au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, commandant suprême des forces armées russes. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. Войска Московского гарнизона к параду победы готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Вольно! Chers citoyens de Russie, chers anciens combattants vétérans, chers soldats, officiers, sous-officiers, officiers mariniers, camarades officiers, généraux, amiraux, combattants de l'opération militaire spéciale en cours. Meilleurs vœux pour cette journée de la victoire. Bonne fête à tous. Bonne fête à nos anciens, à nos pères, nos grands-pères qui se sont couverts de gloire et qui ont laissé leur nom inscrit dans l'histoire. Car ce sont leurs sacrifices dans la lutte contre le nazisme qui est resté. Et aujourd'hui, nous sommes toujours à un tournant de l'histoire, car notre patrie est toujours menacée par une guerre ouverte. Mais nous avons résisté au terrorisme international, nous défendrons les habitants du Donbass et nous assurerons notre sécurité. Pour nous, pour la Russie, il n'y a pas de peuple ennemi, ni à l'Est, ni à l'Ouest. La plupart des gens sur la planète veulent un avenir de paix, de liberté et de stabilité. Nous considérons que toute idéologie de domination, par sa nature, est méprisable et à rejeter. Les élites mondialistes occidentales continuent d'affirmer leur caractère exceptionnel, à imposer leur volonté partout, à diviser les sociétés, à provoquer des coups d'État, des conflits sanglants, tout en usant de la rhétorique de la russophobie, et ils détruisent les valeurs familiales traditionnelles qui font que l'homme est un homme. Et tout cela, ils veulent dicter, imposer au peuple leur volonté, leurs droits, leurs règles, et en fait, ce système de pillage s'instaure par eux. Et nous voyons quels sont les résultats de ce qu'ont voulu faire ces nazis dans le monde en imposant un mal absolu. Et on a vu ceux qui ont su se dresser, qui n'ont pas hésité à sacrifier leur vie pour protéger leur terre et protéger la liberté des peuples d'Europe. Nous voyons aujourd'hui comment sont détruits dans différents pays les monuments des soldats soviétiques, des grands héros de guerre, et qui s'avertuent à célébrer les héros du nazisme aujourd'hui et qui essayent d'effacer, de mentir, et cette insulte sur les victimes du passé, c'est un crime. Ce revanchisme ouvert et cynique qui se manifeste aujourd'hui lance une nouvelle croisade contre la Russie. Et il faut que cette infamie néo-nazie soit éliminée. Il n'y a rien de nouveau ici. Et certains veulent la destruction de notre patrie. Ils veulent casser le système de sécurité internationale et le droit international. Et ils veulent effacer tout centre de souveraineté indépendant. Et ces ambitions, cette arrogance débouchent toujours sur des tragédies. Et c'est là qu'est la raison de la catastrophe dans laquelle est plongée l'Ukraine aujourd'hui. C'est ceux qui sont otages de ce coup d'État qui s'est produit en Ukraine et soutenu par ces maîtres occidentaux. Et là, il y a un plan machiavélique qui a été mis en place. Mais la Russie veut défendre les terres. C'est un devoir sacré. Nous gardons au cœur cet hommage pour la résistance qu'ont manifesté les peuples contre le nazisme. Tous les combattants des armées alliées des États-Unis, de l'Angleterre et d'autres pays se sont battus. Nous saluons leur courage. Je suis convaincu que cette expérience de cohésion face aux menaces, et c'est un héritage très précieux. Et il est important aujourd'hui, au moment où on voit de plus en plus un monde multipolaire s'ériger et qui se fonde sur des principes d'égalité de droit, de respect mutuel et de développement libre pour tous les pays. Il est très important qu'aujourd'hui, ici à Moscou, les dirigeants de différents pays de la CEI se sont réunis ici. Ils sont reconnaissants envers l'exploit de nos anciens. Leurs peuples se sont battus avec les nôtres, ensemble. Et tous les peuples de l'URSS ont apporté leur contribution à la victoire générale. Et nous garderons cela toujours en mémoire. Saluons, inclinons la tête face à tous ceux qui sont partis dans cette guerre. La mémoire de ses pères, de ses filles, de ses mères, de ses grands-pères, de ses époux, de ses épouses, de ses frères, de ses sœurs, de tous ses proches, de ses amis. Je déclare une minute de silence. Merci. Chers citoyens de la Russie, les batailles qui ont décidé du destin de notre patrie ont toujours été des fêtes pour l'ensemble du peuple. Et nous sommes fidèles à l'héritage de nos anciens. Nous comprenons très très bien ce qui signifie être digne de la vaillance de l'ouvrage fait par nos anciens. Nous sommes fiers de tous ceux qui combattent sur le front au cours de l'opération militaire spéciale, ceux qui blessent, qui sauvent les blessés. Et ça, c'est très important, ça fait partie du devoir militaire. Et aujourd'hui, assurer la sécurité de notre pays, ça dépend de vous, du travail que vous faites aujourd'hui. Et vous remplissez votre devoir militaire avec honneur. Vous vous battez pour la Russie. Derrière vous, il y a vos familles, vos enfants, vos amis. Ils vous attendent. Et je suis convaincu que vous sentez leur amour illimité. Tout le pays est uni pour soutenir ces héros. Nous sommes tous prêts à aider. Tous prient pour vous. Chers camarades, chers amis, chers anciens combattants, aujourd'hui, dans chaque famille, on célèbre aujourd'hui en Russie la fête de la victoire. Chacun garde en mémoire ceux qui sont partis. Des fleurs sont déposées sur les monuments. Nous sommes tous sur la place rouge, ici, sur cette terre qui garde la mémoire des Droujeniki de Yuri Dolgorukov, des combattants des soldats de Kutuzov et de ceux qui ont défilé en 1941 puis en 1945. Et aujourd'hui, nous célébrons ceux qui se battent au cours de l'opération militaire spéciale. Et nous saluons le courage, l'abnégation, le devoir militaire qui est accompli par tous ceux-ci. Beaucoup de chefs d'unité, des militaires, des policiers et d'autres services de sécurité du pays sont impliqués dans ce combat. Nous vous saluons tous. Nous saluons votre engagement sur le terrain. Vous êtes à votre poste et durant les années de la Grande Guerre patriotique, vos ancêtres avaient montré que rien n'est plus important que notre unité. Il n'y a rien de plus fort que notre amour de la patrie, pour la Russie, pour nos forces armées, pour la victoire. Hurrah! Le défilé solennel des troupes à pied est placé sous les ordres du général d'armée Oleg Salukov, commandant en chef des troupes terrestres. Selon la tradition, défilent en premier sur la place rouge les jeunes musiciens de l'école de musique militaire Valery Khalilov de Moscou. La compagnie d'honneur est sous les ordres du colonel Alexandre Gerasimov, commandant l'école de musique militaire. Les jeunes musiciens donnent le rythme et le pas de marche aux unités qui défilent. Les diplômés de l'école apportent une contribution méritoire au développement du patrimoine culturel et musical de la Russie. Devant les tribunes défilent les porte-drapeaux du drapeau national de la Fédération de Russie, de l'étendard de la victoire et de l'étendard des forces armées russes. Les porte-drapeaux sont accompagnés de la garde d'honneur du 154e régiment autonome de commandement régiment dit Preobrajensky qui représente les trois armées. Les troupes terrestres, les forces aérospatiales et la marine. Les militaires de la garde d'honneur représentent la Russie et ses forces armées lors des réceptions données pour accueillir les chefs d'État étrangers. Ils participent aux cérémonies officielles et protocolaires. C'est maintenant autour d'une compagnie de l'école militaire Suvorov de Moscou de défiler devant les tribunes sous le commandement du colonel Igor Yekimov. 14 héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie ont commencé leur parcours militaire à cette école. Sur la place rouge, les élèves de l'école militaire Suvorov de la ville de Tver qui fête son 80e anniversaire cette année. Le détachement est sous les ordres du colonel Sergei Tundienkov. 10 élèves de l'école se sont vus décerner le titre prestigieux de héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie. Sur les pavés de la place rouge défile un détachement d'honneur d'élèves de l'école navale Nakhimov de Vladivostok. Le détachement d'honneur est guidé par le capitaine de vaisseau Alexei Malov. Parmi eux, vous voyez des successeurs de l'équipage du croiseur Varyag, des marins de la flotte du Pacifique qui ont libéré Sakhalin et les îles Kouril. Sur la place rouge, vous voyez défiler de jeunes marins du corps naval de cadets de Kronstadt. En tête du détachement, le capitaine de vaisseau Nikolai Dovbeshko. Le corps a formé plus de 2000 élèves qui sont devenus officiers de la marine. Vous voyez défiler des officiers en cours de formation à l'Académie Interarmes des Forces armées de la Fédération de Russie. Le détachement d'honneur est placé sous les ordres du général Oleg Tsekov. L'Académie est devenue une école d'art militaire pour toute une pléiade de célèbres chefs de guerre, de commandants de l'armée russe et d'autres services armés. Aujourd'hui, le détachement d'honneur de l'Académie compte les participants aux missions de guerre des héros de la Fédération de Russie, Roman Tcherimoukine, Artur Orlov et Ivan Dodosov. Devant les tribunes défilent des élèves de l'université militaire du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, sous les ordres du général Igor Michotkin, commandant l'université. L'université a formé plus de 200 000 spécialistes en matière politique et militaire, psychologues, juristes, interprètes, traducteurs et chefs d'orchestre. Plus de 300 anciens élèves de l'école se sont vus décerner le titre prestigieux de héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie. Défile ensuite sur la place rouge l'Académie militaire Krolov d'intendance et de matériel. Son détachement d'honneur est commandé par le général Igor Gorainov. Plus de 70 000 diplômés ont assuré un soutien logistique aux troupes lors d'opérations de combat. Plus de 100 officiers ont été décorés de la plus haute distinction, à savoir le titre de héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie, 6 d'entre eux pour leurs actes de courage au cours de l'opération militaire spéciale. Sur la place rouge, des élèves de l'Académie militaire d'artillerie Mikhailov. Le détachement d'honneur est placé sous les ordres du général Oleg Yegorov. Lors de l'opération militaire spéciale, les unités d'artillerie apportent une contribution cruciale à la victoire sur le champ de bataille. Sur la place rouge, des élèves de l'Académie militaire de défense antiaérienne Maréchal Vassilievski. Le détachement d'honneur est placé sous les ordres du colonel Igor Stakovitch. Les diplômés de l'Académie effectuent avec succès des missions de destruction de cibles aériennes, notamment de missiles opérationnels et tactiques. Défilent sous vos yeux des effectifs militaires féminins. Ces femmes sont des psychologues et des interprètes militaires, des juristes et des responsables financiers, des spécialistes des transmissions de la défense NBC. Elles sont placées sous les ordres du commandant Maria Vassilieva. Devant les tribunes défilent des officiers et des élèves de l'Académie aérospatiale Joukovski-Gagarine. Le détachement d'honneur est sous les ordres du général Gennady Zibrov, commandant de l'Académie. Les réalisations de ces diplômés sont inscrites en lettres d'or dans l'histoire de la Russie, de l'aéronautique et de l'aérospatiale mondiale. Plus de 1500 élèves de l'Académie se sont vus décerner le titre prestigieux de héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie. 6 diplômés ont obtenu la plus haute distinction du pays. Deux héros de la Russie au cours de l'opération militaire spéciale pour leur vaillance et leur héroïsme personnel. Sur la place rouge, un détachement d'honneur de l'Académie spatiale militaire Mojaski est placé sous les ordres du général Anatoly Nestechuk, directeur de l'Académie. Les diplômés de l'Académie sont des experts de premier plan en matière de gestion des engins spatiaux et de contrôle de l'espace. Sur la place rouge, des élèves de l'école supérieure navale Amiral Ushakov de la mer Baltique. Le détachement d'honneur est guidé par le contre-amiral Vyacheslav Sitnik. En 75 ans, l'école a formé plus de 18 000 officiers de la marine. Nombre d'entre eux sont devenus commandants de formation de bâtiments de guerre et de sous-marins. Devant les tribunes défilent des élèves de l'Institut Polytechnique Naval. Le détachement d'honneur est placé sous les ordres du capitaine de vaisseau Andrei Klimenko, commandant l'Institut. Les diplômés de l'école sont des ingénieurs navals de premier plan. Sur la place rouge, des élèves du corps naval Pierre-le-Grand. Le détachement d'honneur est guidé par le capitaine de vaisseau Oleg Ignatiuk, commandant le corps. Cette école a formé plus des amiraux éminents de la marine russe. Les noms de 500 diplômés sont perpétués sur la carte de l'océan mondial. Sur la place rouge, un détachement d'honneur de l'Académie militaire des troupes de missiles stratégiques Pierre le Grand. Le détachement est sous les ordres du général Igor Afonin, commandant l'Académie. Aujourd'hui, les anciens élèves de l'Académie commandent des complexes de missiles stratégiques modernes les plus avancés. Vous voyez défiler un détachement d'honneur de la filiale de Serpokov de l'Académie Pierre-le-Grand. Le détachement est placé sous les ordres du général Andrei Morozov. L'école forme des commandants et des spécialistes du génie pour l'exploitation de systèmes de missiles mobiles. Sur la place rouge, défile le détachement de l'école supérieure générale Margalov de commandement aéroporté de Rязань, sous le commandement du colonel Ruslan Evkodimov, commandant l'école. Sous le slogan « Nul autre sauf nous », les diplômés de l'école défendent héroïquement leur patrie. 164 anciens élèves de l'école se sont vus décerner le titre prestigieux de héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie. 29 d'entre eux ont été décorés cette distinction pour leurs actes de courage au cours de l'opération militaire spéciale. La marche se poursuit avec l'Institut de protection des frontières du FSB de Moscou. Le détachement d'honneur est placé sous les ordres du colonel Mikhail Tchepik, commandant l'Institut. Les diplômés portent fièrement le titre du défenseur de la frontière de l'État, garantissant son inviolabilité aux ennemis de notre patrie. Sur la place Rouge, vous voyez défiler un détachement de l'Académie militaire de protection nucléaire, bactériologique et chimique. Le détachement est guidé par le général Igor Emelianov, commandant l'Académie. Pour leurs missions spéciales accomplies, 21 diplômés de l'Académie ont mérité le titre prestigieux de héros de l'Union soviétique, de héros de la Russie et du travail socialiste. Sur la place Rouge défilent des militaires de la 38e brigade ferroviaire autonome sous les ordres de son commandant, du colonel Igor Orlov. Aujourd'hui, les militaires des unités ferroviaires restaurent le réseau ferroviaire du sud de la Russie et développent la section orientale de la ligne Baïkal-Amour. Devant les tribunes défile un détachement de la police militaire des forces armées de la Fédération de Russie sous le commandement du colonel Gennady Makarov. Les unités de la police militaire accomplissent avec succès des missions spéciales dans la zone de l'opération militaire spéciale. Sur la place principale du pays défile un détachement d'honneur de l'Académie de sécurité civile du ministère des situations d'urgence générale Mikhaïlik. Ce détachement est placé sous les ordres du général Viktor Panchenkov, commandant l'Académie. Au cœur de l'activité des diplômés de l'Académie se trouve le slogan du ministère des situations d'urgence, prévention, sauvetage, aide. Vous voyez passer un détachement de la division autonome Dzerzhinsky des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie sous les ordres du général Nikolai Kuznetsov, commandant la division. Les militaires de la garde nationale remplissent avec honneur leur mission de maintien de l'ordre et de la sécurité publique. La société des Cosaques de Russie est représentée sur la place Rouge par des détachements d'honneur des troupes de Cosaques de Kouban et de la grande troupe du Don, dirigée par le général Cosaque Nikolai Doloud. Aujourd'hui, les Cosaques sont un pilier fiable de l'État russe. Plus de 18 000 Cosaques bénévoles défendent fièrement les intérêts de la Russie au cours de l'opération militaire spéciale. Plus de 700 Cosaques ont reçu des décorations nationales pour leur courage et héroïsme. Le défilé des troupes à pied s'achève par le passage des élèves officiers de l'école supérieure interim de Moscou, la principale institution de formation des commandants pour les forces terrestres de la Fédération de Russie. Le détachement d'honneur est placé sous les ordres du général Roman Binyukov, commandant l'école. À l'automne 1941, dans la direction de Volokolamsk, les élèves de l'école, au prix de leur vie, ont arrêté des divisions nazies, inscrivant leur nom dans la défense de la capitale de notre patrie par une gloire impérissable. Depuis plus de 100 ans, cette école grandit et apprend les meilleures traditions de l'officier russe, comme l'honneur, la vaillance, la volonté d'accomplir des actes héroïques et l'abnégation au nom de la patrie. Ce qui a été illustré par 117 diplômés de l'école qui ont mérité le titre prestigieux des héros de l'Union soviétique, de la Fédération de Russie et du travail socialiste. Les musiciens laissent le passage aux troupes mécanisées sur la place Rouge. La musique militaire de la garnison de Moscou est sous la baguette du général Timofey Mayakin. « Sur la place Rouge défilent maintenant les pelotons de la colonne mécanisée. Celle-ci comprend des matériels historiques et contemporains qui sont en dotation dans l'armée russe. Leur passage est ouvert par le meilleur char de la Grande Guerre patriotique et celui qui a été construit dans le plus grand nombre d'exemplaires, le T-34, qui porte l'étendard de combat de la première armée de chars de la garde. Plus de 35 000 T-34 ont été fabriqués pendant la durée de la guerre. L'équipage est sous les ordres du lieutenant Alexandre Vorobiov. La place Rouge accueille une colonne de véhicules blindés multirôles grande capacité Tigre M Spetsnaz et VPK Ural, équipés de protections supplémentaires. Ils sont en dotation à la 16e brigade spéciale de la garde. Le détachement est commandé par le lieutenant Konstantin Mesiatsev. Pour la première fois, défilent sur la place Rouge des exemplaires du véhicule de transport spécial protégé sur la base du camion Kamaz, destiné au transport de troupes en zone de combat et d'opérations spéciales. La colonne est sous les ordres du commandant Yevgeny Norin. Sur la place Rouge, une batterie de systèmes de missiles de haute précision Iskander-M de la 112e brigade de missiles de la garde de Novorossiysk. Les exploits de la brigade ont été récompensés par cette médaille. Les hommes de la brigade, comme leurs anciens pendant la Grande Guerre patriotique, remplissent avec dignité les ordres qui leur sont confiés. Ils sont placés sous les ordres du commandant Alexandre Moïseïev. Nous voyons ensuite passer une colonne de systèmes de missiles antiaériens S-400 Triomphe du 584e régiment de la garde de défense antiaérienne des forces aérospatiales russes sous les ordres du commandant Alexei Krivorodko. Les caractéristiques opérationnelles de ces complexes permettent de mettre en place une défense échelonnée contre les moyens d'attaque aérospatiale d'un ennemi potentiel. Devant la tribune défile une colonne mécanisée des troupes de missiles stratégiques. Elle est composée de rampes autonomes de lancement de missiles balistiques intercontinentaux YARS, dotant la 54e division de garde des missiles. Ils sont sous les ordres du commandant Magomed Tsourov. Aujourd'hui, les groupements de systèmes YARS constituent l'épine dorsale des unités mobiles des forces nucléaires russes. Le système de conduite perfectionné, la mobilité, les capacités de déploiement cachées permettent au système YARS de demeurer une force de dissuasion nucléaire et une garantie de sécurité pour la Fédération de Russie. Le défilé mécanisé s'achève par le passage de véhicules de transport de troupes à roues, boomerang, portant les étendards de toutes les armes de l'armée russe sous les ordres du capitaine Dmitri Tierzy. Les musiciens de la musique militaire interprètent différents chants militaires. Le défilé militaire célébrant le 78e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale arrive à son terme. Au son du chant de l'Adieu Slave, la musique militaire quitte la place rouge. Le défilé de la victoire est terminé. Célébrons le 78e anniversaire de la grande victoire. Hourra ! Gloire aux anciens combattants de la Grande Guerre patriotique. Hourra ! Bonne fête à tous les citoyens de la Russie. Hourra ! Afrique Média. Le monde, c'est nous.